Méchant se repent, moi je vois mes chances se pendre. Cependant, je craque pas car faut qu'on se défende. Je vois des bagarres chaque fois que je descends. Les gars se marrent à coups de tesson. Est-ce par hasard si je lâche que des couplets sombres? Rattrape-moi si je me trompe, ils veulent tous être trop bas. Comme ceux qui dirigent le monde sur fond de gros contrats. Dans le flou, donc faut qu'on parle. Pas de flouze, donc faut qu'on travaille. Pour rembourser la maille que tous ces fous placent dans leur bataille. Attends, je vais détailler, balayer les paillettes. Ça pousse à réfléchir d'être bon qu'à filmer des palettes. Et ouais, le défi est balèze. Si on fait pas de billets balèques, on repartira de zéro comme font les familles les balèzes. On n'a pas les épaules, paraît-il. On a déjà plus de chance que ce môme qui a vu plus de 10 macabres par rétine. Mes gars font pas médecine, de toute façon j'emmerde l'industrie pharmaceutique. Dont t'es le cobaye, pour eux j'ai pas d'estime. Comme l'Occident pour Palestine, fini les pourparlers. Moi je suis là pour râler quand les concerts n'estirent. Allume ton cierge, j'espère, avant que nos choix n'expirent. Moi je prends une feuille vierge et me perds, mais bon tu sais, je suis pas Shakespeare. Je fais qu'exprimer le malaise qui sévit. Certains vite évincés, pendant que les autres se demandent d'y servir. Alors, tu te sens bien seul dans l'isoloir. Vois que les plus belles promesses d'un homme sans parole restent illusoires. Et ça s'oublie devant le film du soir. Faut tourner au charbon lundi. Faire du pif pour l'État, tout comme Macron l'a dit. Dès lors que Macron te la mise, dis-moi qui se fait rincer. Maintenant dis-moi qui est-ce qui mouille la chemise. Ceux qui ont la trouille acquiescent comme y'a peu de place assise. Et ceux qui font pas de chiffres, ils squattent le fond de la pièce. Donc je rappe pas pour la France, mais je rappe pour les Français. Et le goutron fait que nos plumes pèsent plus lourd que tu ne le pensais.